Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 21 avril 2021, il est 14h, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Gemozo intitulée Fréquence Libre. Bien que vous soyez habitués désormais, je vais quand même rappeler le principe. Il est très simple, comme chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi où je reçois une ou un invité, je reçois aujourd'hui par téléphone une invitée pour qu'elle puisse nous parler de ce qu'elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions et autres, mais aujourd'hui ce sera plutôt au niveau du métier. Et aujourd'hui c'est donc Cécile Brice du Centre National des Arts et Métiers, ou CNAM d'Épinal, qui est avec nous. Donc bonjour Cécile. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Parfait. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Cécile Brice, je travaille au CNAM, donc c'est pas centre, c'est Conservatoire National des Arts et Métiers, donc qui est un institut de formation qui rayonne sur tout le Grand Est. Et moi, je travaille au CNAM depuis une quinzaine d'années maintenant. Je m'occupe là-bas de la communication. D'accord. Et oui, donc du coup, excusez-moi pour la petite erreur dans l'introduction. Donc du coup, j'allais vous demander quel est votre rôle au sein du CNAM d'Épinal. Vous l'avez un petit peu répondu. Oui, c'est ça. Donc je m'occupe à la fois de la communication, et du marketing. Donc mon rôle, c'est de faire la promotion de l'organisme et surtout des formations qu'il dispense, donc sur tout le territoire du Grand Est. Et puis en effet, plus particulièrement en ce moment sur Épinal et d'autres villes moyennes dans le Grand Est dans lesquelles on est en train de s'installer. D'accord. Et donc justement, avec la crise sanitaire actuelle, c'est pas trop compliqué pour le CNAM d'attirer, on va dire, des nouveaux adhérents? Je sais pas comment vous appelez les... Alors c'est des élèves. Voilà, des élèves. Simplement. D'accord. Ouais, des élèves, donc aussi bien des adultes qui souhaitent de nouvelles compétences pour changer de métier ou se reconvertir, donc qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi, ou bien des jeunes qui poursuivent leurs études en alternance. Donc c'est pas la période la plus simple, c'est sûr. Néanmoins, le besoin de se former est toujours présent. Donc il y a surtout fallu adapter les façons de former, mais on a toujours une demande assez importante. D'accord. Et donc justement, le CNAM, donc c'est à Épinal, mais quelle est l'adresse, on va dire, précise du CNAM? Donc pour l'instant, à Épinal, on est au quartier de la Madeleine, donc au 7 quartier de la Madeleine. Ce sont des locaux provisoires. D'accord. En attendant la fin des travaux au Clos du Château, qui devrait être prêt en 2022. D'accord. Oui, donc vous avez encore un petit peu de temps à rester où vous êtes actuellement, du coup. Oui. Mais la ville d'Épinal nous a fourni des locaux très fonctionnels qui sont très bien en attendant. D'accord. Et donc, vous y avez un petit peu répondu également. À qui s'adresse le CNAM? Donc, à des adultes comme à des mineurs. Mais est-ce que tous les âges peuvent bénéficier du CNAM, intégrer le CNAM ou pas du tout? Alors non, pas tout à fait, parce que nous sommes un organisme de formation supérieure. À la différence par exemple de l'AFPA ou du GRETA, nous on va intervenir après le bac. Alors je dis bac, on n'est pas obligé d'avoir le bac, puisqu'une expérience professionnelle peut permettre de justifier des compétences, mais on va intervenir sur des formations post-bac, bac plus 1 jusqu'à bac plus 5. D'accord. Oui, donc le CNAM c'est une école du coup? Oui, en fait c'est ce qu'on appelle la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les formations initiales, on n'a pas d'étudiants, on n'a pas de lycéens. La particularité des gens qui se forment chez nous, c'est qu'ils sont tous salariés, puisqu'un salarié ou un demandeur d'emploi qui se forme est un actif, et un élève en alternance, qui soit en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, a également un contrat de travail, un statut de salarié. Donc c'est ça qui nous différencie, c'est les modalités de formation, mais oui, on peut dire qu'on est une école. D'accord. Donc au CNAM, vous l'avez dit, nous retrouvons des formations et un accompagnement du parcours du bénéficiaire, enfin de l'élève. Donc quelles sont les différentes formations et offres de formation que nous pouvons retrouver au CNAM? Alors au CNAM, on a une palette vraiment très très large de formations. On a l'habitude de dire qu'on ne fait simplement pas de formation dans le domaine de la santé et de l'artisanat. Mais sinon, on a vraiment une grosse palette, donc à la fois dans les filières tertiaires. Donc on a un gros pôle commerce, un gros pôle comptabilité, RH, immobilier. Et puis on a également toutes les formations scientifiques et techniques, donc avec du BTP, de l'informatique, de la mécanique, de l'énergétique, etc. D'accord. Et donc, à part être du coup en situation de post-bac, y a-t-il des conditions particulières pour bénéficier du CNAM, pour intégrer le CNAM? Ça dépend de la formation qu'on vise. D'accord. Hein, évidemment, si on veut s'inscrire dans une formation d'ingénieur, il y aura des prérequis techniques à avoir. Après, on a d'autres formations, comme des certificats professionnels, qui sont des formations courtes qui visent à une employabilité rapide, où là, il n'y a pas de prérequis particulier. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire, de son projet professionnel. Et c'est pour ça que vous avez utilisé le terme accompagnement, qui est très approprié, puisque effectivement, en fonction des envies, des besoins de compétences de chacun, ça va être un petit peu du sur-mesure. D'accord. Et justement, tout à l'heure, vous parliez, enfin il y a quelques minutes, vous parliez d'autres organismes comme l'AFPA ou encore le GRETA. Donc, est-ce que ça vous arrive de travailler, on va dire, en partenariat avec ces différents organismes? Oui, complètement. On a signé d'ailleurs une convention de partenariat avec l'AFPA il y a quelques semaines. Donc, l'idée, c'est de faire des ponts entre les formations des différents organismes, de réfléchir ensemble aux besoins de formation en fonction des territoires, en fonction des besoins des entreprises. Donc oui, on est connectés tous ensemble. D'accord. Et donc je pense qu'on peut dire que le CNAM, donc le Conservatoire National, et non pas ce que j'avais dit tout à l'heure, le Conservatoire National des Arts et Métiers, on peut appeler ça un hub des compétences. Oui, c'est ça. Alors, Hub des compétences, c'est le nom des nouvelles implantations qu'on est en train d'installer dans les villes moyennes. Parce que dans les villes moyennes, donc Épinal, qui vient d'être signé, dans les Vosges, on a aussi Saint-Dié et Vittel qui sont en construction. On ne peut pas s'occuper des habitants, des entreprises de la même façon que dans une métropole. Il y a besoin d'accompagnement particulier, de répondre à des besoins particuliers. Et puis l'idée aussi dans ces hubs, c'est d'avoir des outils techniques de formation qui nous permettent d'être en lien à distance avec les grandes villes quand il y a besoin d'avoir des cours partagés par exemple. Mmh. Et puis aussi à terme, l'idée c'est d'accueillir d'autres partenaires, donc vous parliez d'AFPA, du GRETA, pour que les habitants puissent trouver dans ces lieux différents interlocuteurs, toujours autour du besoin de compétences. D'accord. Et donc le CNAM, il me semble qu'il propose également un outil de formation territoriale. Oui. Quel est cet outil? Alors l'outil, je pense que c'est vraiment le concept du hub des compétences hein, qu'on est en train d'installer. Donc on a, par exemple à Épinal, ça sera en clos du Haut-Château, quand on aura ces nouveaux locaux, on pourra y installer vraiment tous les outils dont on a besoin. Pour l'instant, on est un peu dans une phase transitoire, mais il y aura la possibilité de venir faire du coworking, par exemple. Il y aura aussi, puisque le CNAM a une mission également de diffusion de la culture scientifique et technique, qui vise par exemple à faire naître des vocations techniques. Donc on pourra également présenter des choses aux habitants beaucoup plus larges dans ces territoires-là. D'accord, ok. Donc il est 14h09. Avant de poursuivre et d'aller plus loin, je vous propose de nous lancer dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie et que nous écoutions l'auteur, compositeur, interprète suédois. Je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, mais on va essayer. Peter von Pöhl et son titre The Story of the Impossible. Donc pour donner un petit peu les références, comme j'aime bien le faire, ce titre The Story of the Impossible est une chanson typée plutôt pop, sortie en 2006 et issue de l'album Going to Where the Tea Trees Are, donc le premier album de Peter von Pöhl. Donc est-ce que ça vous va qu'on écoute ce titre? Parfait. Ok, donc on écoute The Story of the Impossible et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. À tout de suite. Crafted pride by monsters of the trade. wild screech circus. We have the story of the impossible. I tell. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Il est 14h, presque 14. Vous venez d'écouter Peter von Pöhl avec son morceau The Story of the Impossible. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Cécile Brice du Conservatoire National des Arts et Métiers, ou CNAM, qui est là pour nous parler justement du CNAM d'Épinal. Ça va toujours ? Ça va, très bien. Parfait. Donc, nos auditrices et nos auditeurs sont habitués désormais. J'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette chanson, The Story of the Impossible ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Alors, tout bêtement, c'est une musique de film, du film L'Arnaqueur, un film français, une comédie. J'ai beaucoup aimé cette chanson, donc je l'ai mise dans ma playlist. Et quand vous m'avez demandé quelques chansons, j'avais envie d'écouter celle-ci. Tout simplement. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Donc comme nous le disions avant cette pause musicale, le CNAM d'Épinal est un hub des compétences. Donc quels sont les équipements que l'on peut retrouver dans l'enceinte du bâtiment du CNAM d'Épinal ? Donc pour l'instant, dans nos locaux provisoires, hein, on a tout simplement des salles de cours, hein, pour accueillir nos élèves, qui sont équipés de manière informatique de manière un peu particulière, puisqu'on propose des cours qu'on appelle en adossement, c'est-à-dire que des cours qui peuvent être dispensés à Nancy, à Metz, à Strasbourg, peuvent être proposés aux habitants d'Épinal sans qu'ils aient à se déplacer à Metz ou à Nancy, dans les locaux d'Épinal. Donc ils peuvent être en même temps avec un système de vidéo, voir l'enseignant et puis les élèves qui sont à distance et suivre le même cours. Donc ça c'est la situation actuelle, puisqu'on est dans des locaux provisoires, et à terme, il y aura des équipements un peu plus importants dans nos futurs locaux. Il y aura des espaces modulables. Donc on a déterminé 5 espaces qui seront flexibles, hein, qu'on pourra bouger en fonction des usages. Donc bien sûr, la possibilité de suivre des cours, hein, ça c'est évident, mais aussi des lieux où on pourra regarder des ressources culturelles ou scientifiques, hein, donc accéder à des bases de données, voilà, se former par soi-même, des lieux où on pourra se réunir, donc on pourra faire des formations pour des entreprises, on pourra proposer des locaux pour des manifestations, des événements, et puis des lieux dédiés à la réflexion sur la créativité pour imaginer, dans le cadre de cours ou dans le cadre de besoins d'entreprise, de nouveaux projets, de nouveaux produits, donc avec tous les équipements nécessaires pour faire tout ça. D'accord, oui, donc il y aura vraiment tout ce qu'il faut pour être dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Ah oui, complètement. On a vraiment voulu que ça soit des équipements de qualité, qui puissent vraiment s'adapter à tous les besoins qui pourront être rencontrés. L'idée, c'est aussi de construire au fur et à mesure, en fonction des besoins que vont nous exprimer le territoire, les habitants, les entreprises, qu'on ait vraiment des lieux pour pouvoir tout co-construire avec eux. D'accord. Mais du coup, il y a peut-être des auditrices ou des auditeurs qui nous écoutent et qui sont malheureusement à mobilité réduite. Donc, est-ce qu'il y aura des équipements faits pour eux ? Oui, bien sûr. Hein, de toute façon, aujourd'hui, on ne rénove plus de bâtiments sans que ce soit adapté. Donc, ça sera vraiment ouvert à tous. D'accord, parfait. Donc, du coup, au CNAM d'Épinal, combien vous êtes de conseillers ou de professeurs à travailler au CNAM d'Épinal ? Alors, pour l'instant, il y a 3 personnes de manière permanente, donc un responsable de centre, un chef de projet pédagogique qui, lui, conçoit, organise des formations, et puis un assistant de formation, lui qui gère plutôt la scolarité des élèves. Il faut vraiment aussi comprendre que le CNAM, c'est une organisation régionale, donc tous les autres services, ressources humaines, comptabilité, communication, on travaille au niveau du Grand Est, mais on est disponible pour chacun des centres dans lesquels on a des activités. Ensuite, l'équipe s'étoffera certainement un petit peu au fur et à mesure du développement de l'activité. Hein, là, c'est vraiment pour un lancement d'activité. On a, par exemple, aussi des conseillers VAE. Donc, eux, ils sont mobiles. Ils peuvent se déplacer pour faire des entretiens, mais ils ne sont pas forcément toujours à Épinal. Ils peuvent aussi intervenir dans d'autres villes. C'est la force aussi d'être dans une région, d'être organisé comme ça. Ça permet de pouvoir, si on a besoin d'un enseignant dans une matière, il se déplacera à Épinal, alors que d'habitude, il pourrait donner des cours à Nancy. Donc, au niveau du personnel enseignant, on n'a pas d'enseignants dédiés au CNAM. Hein, on fait intervenir des professionnels et des enseignants, des enseignants vacataires, en général de l'université, en fonction des cours qu'on ouvre, on les fait intervenir au CNAM. Donc, pour l'instant, 3 personnes qui sont dédiées à Épinal. D'accord. Tout à l'heure, on parlait du Greta, donc de ce genre d'organisme, l'AFPA, tout ça. Est-ce qu'il vous arrive aussi, par exemple, de travailler avec les missions locales ? Oui, de plus en plus, parce qu'on a développé des formations qui sont de plus en plus dédiées à ce qu'on appelle les décrocheurs. Hein. C'est un terme qui n'est pas très joli, mais qui est assez clair pour tout le monde, c'est-à-dire tous les jeunes qui ont dû arrêter leurs études ou ça n'a pas marché à l'université ou ont eu un petit passage à vide, ont eu des problèmes d'orientation. Donc tous ces jeunes qui se retrouvent un peu sans solution, on leur propose de plus en plus de formations pour leur remettre un petit peu le pied à l'étrier. On a des formations dans le numérique, on développe des bacs plus 1, pour en parler un petit peu tout à l'heure si vous voulez, parce qu'il va y en avoir à Épinal. Et dans ce cadre-là, les missions locales, oui, sont d'un grand appui pour nous aider à contacter ces jeunes et à les trouver, oui. D'accord. Donc maintenant, on va donner quelques données numériques datant de 2020 que j'ai trouvées sur le site du CNAM en préparant cette émission. Donc au CNAM, en général, il y a 5177 auditeurs et auditrices, dont 3131 auditeurs et auditrices en promotion sociale supérieure, 1381 alternantes et alternants en apprentissage et en professionnalisation, 665 auditeurs et auditrices en formation continue, Ardanne. Qu'est-ce que Ardanne ? Alors c'est Ardan, pardon. Et ça veut dire Action Régionale pour le Développement d'Activités Nouvelles. C'est un dispositif qui s'adresse à deux publics, des demandeurs d'emploi et des petites entreprises. Et l'idée, c'est de les faire se rencontrer. D'ailleurs, c'est un dispositif qui est né dans les Vosges il y a une trentaine d'années et puis qui s'est développé maintenant dans plusieurs régions de France. Et en Grand Est, on fait comme ça le mariage, si j'ose dire, entre à peu près 150 à 200 entreprises et demandeurs d'emploi chaque année. Donc le demandeur d'emploi intègre une entreprise, une petite entreprise pendant 6 mois. Cette petite entreprise a un projet à développer. En général, elle n'a pas les ressources humaines, les moyens pour forcément s'en occuper. Donc le demandeur d'emploi, pendant ces 6 mois, il va essayer de la mettre en place, de la développer. Et en même temps, il va suivre une formation à l'entrepreneuriat. Donc, il pourra choisir des modules en fonction de son besoin, en marketing, en innovation. Voilà, c'est vraiment à la carte. Et au bout de ces 6 mois, le but, c'est que l'entreprise recrute le demandeur d'emploi. Et on est à peu près à 85 à 90% de recrutement à l'issue des 6 mois de stage. D'accord, donc Ardan, du coup, ou validation des acquis, 892 chargés d'enseignement, 119 collaboratrices et collaborateurs, 100 parcours complets, 120 unités d'enseignement, ou du coup UE, à distance, en formation à distance du coup, de niveau 5, 6 et 7, il y a 40% de formation scientifique et technique, 60% de formation tertiaire, et le chiffre d'affaires 2019 du CNAM s'élevait à 15 560 426 euros. Donc est-ce que j'ai tout bon ? C'est tout, hein, vous avez bien vu. Alors je précise que ça, ce sont les chiffres uniquement pour la région Grand Est. D'accord. Il y a des CNAM partout en France et donc après chacun a ses propres chiffres. Bien sûr. Et donc si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs n'ont pas eu le temps de tout noter, il y aura le podcast posté de la journée de demain. Vous pourrez mettre pause et puis les noter du coup. Et donc comme vous l'avez dit, le CNAM Grand Est, qui a plusieurs CNAM en France, donc vous me tendez la perche, combien y a-t-il de CNAM en France ? Ben, c'est très simple, il y en a un par région en France, donc voilà, je pense qu'on est à 22 hein, régions, donc il y a autant de CNAM que de régions, il y a un grand établissement à Paris, et puis ensuite en région on est organisé en association, donc on déploie les formations qui sont créées à Paris, on les déploie dans les régions en fonction des besoins de nos régions. Et ce qui est important de souligner, c'est que si on commence une formation au CNAM d'Épinal, et qu'on est amené à déménager, on peut tout à fait continuer dans un autre CNAM. La valeur des diplômes est la même. On peut capitaliser les modules, commencer dans un centre et puis poursuivre dans l'autre. D'accord, oui. Donc, ce qu'on a commencé, ce n'est pas perdu si on va dans une autre région, du coup. Voilà, si on va dans une autre région, si on veut faire une pause, hein, si on a, voilà, il y a plein de fois dans la vie où on doit arrêter, on peut reprendre, tout est capitalisable, vraiment, et rien n'est jamais perdu de ce qu'on a capitalisé comme module. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, il y a autant de CNAM qu'il y a de régions en France. Mais du coup, avant que les régions, on va dire, se réunissent, comme nous, le Grand Est, avant, c'était Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne, est-ce qu'il y avait un CNAM pour la Lorraine, un pour l'Alsace, un pour la Champagne-Ardenne ? Oui, tout à fait. Ouais, il y avait 3 CNAM. Donc, on a, avec les changements des régions et la loi NOTRe, on a fusionné en 2017 les 3 régions. Et du coup, c'est comme ça que c'est devenu CNAM Grand Est. Voilà. Ok, très bien. Donc il va être bientôt être 14h25. Avant d'aller plus loin, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence que vous avez choisie une nouvelle fois. Car pour faire un petit rappel, si jamais il y a de nouvelles auditrices ou de nouveaux auditeurs qui nous rejoignent dans Fréquence Libre, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales à passer pendant l'émission, afin que la dite émission leur corresponde le plus possible. Et donc je vous propose d'écouter le célèbre groupe Queen, avec son non moins célèbre chanson Don't Stop Me Now. Pour donner quelques références une nouvelle fois, cette chanson est typée classic rock, est sortie en 1978 et est tirée du 7e album de Queen, album intitulé Jazz. Donc on écoute le célèbre groupe Queen et son non moins célèbre chanteur Freddie Mercury, dont on salue la mémoire, et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes également. Donc à tout de suite. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct. Il est 14h29. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Queen avec leur morceau Don't Stop Me Now. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Cécile Brice du CNAM d'Épinal qui est là pour nous parler du CNAM justement. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Cécile ? Oui, très agréable. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence, y a-t-il une raison particulière d'avoir choisi cette célèbre chanson de Queen ? Bah, vous l'avez dit, hein, elle est célèbre, elle est assez culte, et puis elle met de bonne humeur, on en a besoin, je crois, on a besoin d'énergie, donc c'est pour ça. Justement, bah c'est vrai qu'elle donne la pêche, cette chanson, parce qu'en radio, on a de la chance, on ne nous voit pas. Mais je peux vous dire que sur mon siège, j'étais en train de bien bouger. C'était assez fatigant, mais c'était bien, c'était sympa. Oui, c'est obligé avec cette chanson. Ah, forcément. Donc, on va reprendre le cours de cette émission. Le CNAM, en général, existe depuis 1794, ça fait donc 227 ans, et le CNAM Grand Est est né, comme nous le disons tout à l'heure, le 1er janvier 2017, ça fait donc 4 ans, suite à la fusion des régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine pour former le Grand Est. Oui, du coup, le Grand Est est donc le CNAM Grand Est. Donc j'ai déjà eu la réponse, mais je vais reposer la question. Est-ce que là aussi j'ai tout bon là-dessus ? Parfait, c'est tout bon. Nickel. Donc, avant la réunification des régions, il y avait donc, comme on l'a dit, un CNAM Alsace, un CNAM Champagne-Ardenne et un CNAM Lorraine. Donc, est-ce que le CNAM en général et le CNAM Grand Est ont toujours œuvré dans ces domaines, dans les mêmes domaines ? Oui, complètement. Donc, vous l'avez dit, 1794 pour la création du CNAM. Mmh. Au tout départ, l'idée, c'était de sortir les instruments du musée des arts et métiers, donc les instruments scientifiques et techniques, pour les démonter, les remonter devant les gens, ce qu'on appelait des démonstrations. Et c'était vraiment pour élever la culture, la science des gens. Et donc, petit à petit... les choses ont évolué et on s'est développé vers la formation des adultes. On a été très longtemps connus pour nos cours du soir pour les ingénieurs, notamment Lorraine, hein, on a formé beaucoup d'ingénieurs en cours du soir. Et puis, avec les évolutions de la société, on s'est diversifié nous aussi pour répondre aux nouvelles attentes. D'accord. Je vous propose de reparler un petit peu du partenariat qu'il existe entre la mission locale et le CNAM, car il me semble que vous vouliez parler d'un sujet en particulier. Oui, tout à fait. On va ouvrir à la rentrée de toutes nouvelles formations dans le Grand Est, et il y en a deux qui seront proposées à Épinal. Et c'est des bacs plus 1, donc c'est vraiment tout nouveau, ça vient d'être labellisé par le ministère de l'enseignement supérieur, et ça s'adresse aux jeunes qui n'ont pas eu de solution sur Parcoursup, donc ça c'est les jeunes en terminale, ou ceux de l'année précédente qui se retrouveraient sans rien, donc bac pro, techno, général, hein, peu importe la provenance. Et les missions locales, nous aident à trouver ces jeunes. On va être présent sur Parcoursup, hein. Il y a une deuxième phase d'admission sur Parcoursup pour les terminales qui sera à partir du 16 juin jusqu'au 16 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est ceux qui n'auront pas eu leurs vœux acceptés ou ceux de l'année dernière, comme je vous disais, qui n'ont pas de formation, qui pourront se positionner sur ces formations. Donc, il y aura deux possibilités pour Épinal, donc une formation d'intégrateur ou intégratrice web et une formation d'assistant administrative. C'est des formations courtes qui vont durer une année avec des stages, avec un tronc commun, sur vraiment de la remise à niveau, et puis des petits modules spécifiques aux deux métiers, donc pour le web et pour l'assistanat administratif. Le but à l'issue, c'est soit d'entrer dans la vie active, soit de poursuivre ses études, donc soit un titre du CNAM, soit une deuxième année de BTS, ça sera à construire, mais c'est vraiment pour redonner de l'élan à ces jeunes. D'accord, donc justement, si jamais il y a des auditrices ou des auditeurs qui nous écoutent, des jeunes qui sont dans cette situation, qui n'ont pas été, par exemple, acceptés sur Parcoursup ou que sais-je, il ne faut pas du coup perdre espoir, car le CNAM est là justement pour les aider, et donc ça pourrait, comme vous dites, leur donner une seconde chance de réussir à atteindre leur but. Oui, c'est ça. Et cette formation, alors, elle a déjà ouvert en janvier, la première promotion, on a fait des promotions, pas test, hein, mais on a lancé trois premiers parcours, hein, à Thionville, à Mulhouse et à Épinal en janvier. Ça se passe très bien. Tous les jeunes ont trouvé un stage. Tous les jeunes suivent. Donc ils viennent en présentiel pour les cours à Épinal. Et on va lancer une nouvelle promotion en octobre. D'accord, donc tout est noté. De toute façon, en podcast avec cette émission, je mettrai le site du CNAM et la page du coup sur le site du CNAM Grand Est pour qu'on puisse tout retrouver les informations. Voilà, ouais. Il y a une rubrique qui s'appelle rubrique post-bac, et voilà, où les jeunes pourront trouver toutes les infos. D'accord, donc justement, combien de temps, là on va un petit peu sortir, on va dire, de la case jeune, combien de temps dure un accompagnement par le CNAM Grand Est ? En général. Alors c'est difficile de vous répondre parce que ça peut durer 3 mois pour une formation très courte ou 3 ans pour un diplôme d'ingénieur. Donc c'est vraiment, ou même moins de 3 mois, hein, ça peut durer quelques heures si on a juste besoin de se remettre à niveau sur une matière. ou si on veut faire un parcours plus long. Donc il n'y a pas du tout de durée, c'est vraiment en fonction du parcours de chacun. D'accord. Et justement, si par exemple il y a des auditrices ou des auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans une situation de service civique ou qui ont un contrat, on va dire, un petit peu particulier qui nécessite une formation obligatoire à faire pendant le contrat, est-ce qu'ils et elles peuvent se tourner vers le CNAM? Alors il faut qu'ils regardent sur notre site internet si la formation dont ils ont besoin est à notre catalogue. Là, c'est un peu difficile pour moi de vous dire, ça dépend de ce qu'ils ont besoin de faire, mais de toute façon, il faut se renseigner, il faut regarder, on a un catalogue assez important. Donc nous, on est ouvert à tous. On peut préciser peut-être pour cette fois le public plus adulte, donc les salariés et les demandeurs d'emploi, c'est qu'on bénéficie d'une subvention de la région Grand Est qui prend à sa charge 80% du coût de la formation pour un adulte qui souhaiterait se former pour se reconvertir ou évoluer professionnellement. C'est vraiment un beau cadeau que fait la région aux habitants du Grand Est pour se former. Et la seule condition, c'est de résider dans le Grand Est et d'avoir un an d'expérience professionnelle. D'accord, oui. En plus, 80% d'aide, c'est vraiment non négligeable comme aide. Complètement, oui. Et puis, on n'a pas parlé, mais on a beaucoup entendu parler du CPF, du compte personnel de formation, qui permet aussi aux adultes de mobiliser, en fonction de leur année d'ancienneté, de l'argent pour se former. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour monter ces financements. C'est vrai que la formation professionnelle, ça peut paraître un petit peu compliqué. On a des conseillers qui sont là pour aider les gens à trouver le meilleur financement, ce qui sera le plus intéressant pour eux. D'accord. En faisant mes recherches en amont de cette émission, donc en préparant cette émission, j'ai vu sur le site du CNAM et donc sur la page CNAM Grand Est que le CNAM Grand Est, justement, est organisé en 6 délégations territoriales. Oui. Quelles sont ces délégations? Alors, elles correspondent, dans les anciennes régions. Chaque ancienne région est à peu près divisée en deux parties. Donc pour la Lorraine, on a la délégation Nancy-Épinal, donc plutôt Lorraine-Sud, et puis Metz-Thionville, plutôt Lorraine-Nord. Et puis c'est pareil pour l'Alsace, il y a plutôt Bas-Rhin-Haut-Rhin, et pareil pour la Champagne-Ardenne. Ça nous permet comme ça de mailler tout le territoire. D'accord. Et ces délégations, elles animent, j'ai également vu ça sur le site, 19 implantations réparties de manière à couvrir de façon homogène le territoire régional et transfrontalier, c'est bien ça? Oui, voilà. Donc ça, c'est pareil, ça évolue un petit peu puisque c'était des chiffres de l'année dernière et que, par exemple, certains nouveaux... Alors, Épinal est déjà dedans puisqu'on avait déjà un petit peu d'activité à Épinal, mais Vittel ou Saint-Dié n'étaient pas dedans, donc ça va évoluer un petit peu. D'accord. Donc, il me semble également savoir que le CNAM a ce que vous appelez un index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, avec un index en 2020 de 87 sur 100. Donc comment est calculé cet index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes? Alors là, cet index, moi, je ne vais pas pouvoir beaucoup entrer dans le détail, parce que du coup, je n'ai pas préparé cette question, et c'est notre service RH qui s'occupe de calculer. En fait, c'est un index qu'il est obligatoire d'afficher pour toute entreprise, et il est calculé sur des critères d'égalité salariale, sur des critères d'accès au poste à responsabilité et puis je crois aussi sur des critères de retour de congé maternité, que ça se passe bien en retour de congé maternité. Donc ce que je sais en revanche, c'est qu'on a on a amélioré notre score depuis l'année dernière, donc c'est un souci qu'on a au CNAM en Grand Est, l'égalité femmes-hommes. Bien sûr, oui. Surtout que, comme tout le monde le sait, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, les femmes sont souvent moins reconnues et moins payées que les hommes. Oui, voilà. Alors, au CNAM, pour le coup, ce n'est pas le cas. Il y a d'ailleurs beaucoup de femmes, en général, dans le domaine de la formation, qui travaillent dans le domaine de la formation professionnelle. Nous, ce qui pourrait nous préoccuper, en revanche, au niveau de nos élèves, c'est l'accès des femmes aux filières plutôt scientifiques et techniques, où là, on note que c'est quand même encore majoritairement masculin. Mmh. Oui, donc en tout cas, je trouve personnellement, en tant qu'homme, que justement, avoir cet index, tout ça, de faire en sorte que les femmes soient, on va dire, l'égale de l'homme, car c'est ce qu'elles sont. Je trouve que c'est une belle valeur que le CNAM défend. Donc voilà, franchement, je tenais à le dire. Bah, très bien, je ferai passer le message. Parfait. Donc il est 14h40. Avant d'aller plus loin à nouveau, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans une nouvelle fréquence que vous avez choisie une nouvelle fois, car à Radio Gemozo, on aime la musique, et que nous écoutions Billie Eilish et son titre Therefore I am, que l'on pourrait traduire par « Donc, je suis ». Cette chanson est d'ailleurs toute récente. Elle est sortie en 2020. Elle n'apparaît pas encore dans un album, il me semble. Donc, on écoute ce titre de Billie Eilish et on se retrouve juste après, d'ici un peu moins de 3 minutes cette fois. Donc, à tout de suite, juste après Billie Eilish et son titre « Therefore I am ». What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Chez son morceau Therefore I Am sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Il va être 14h44. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone, comme depuis 45 minutes bientôt, de Cécile Brice du CNAM d'Épinal, qui est là justement pour nous parler du CNAM. Donc tout est toujours bon pour vous, Cécile ? Tout est bon, tout va bien. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes fréquences, vous êtes habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Billie Eilish ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Alors, j'aime beaucoup cette chanson. Et puis, j'avais choisi deux chansons voilà, un petit peu plus vieilles. Donc, je voulais mettre quelque chose d'un petit peu plus moderne, un peu plus jeune. Tout simplement, d'accord. Donc, on va reprendre le cours de cette émission. Le CNAM Grand Est propose une offre de services comprenant une centaine de parcours complets en présentiel et ou à distance et plus de 110 unités d'enseignement en formation à distance de niveau 3, 2 et 1, donc de bac à bac plus 5, comme vous l'avez dit, dans les filières tertiaires et techniques débouchant sur différents diplômes et formations. Donc 110 unités d'enseignement rien que pour le Grand Est, ce n'est quand même bien sûr pas négligeable. Il paraît même que le CNAM Grand Est se situe juste après le centre CNAM Île-de-France. En termes d'activité, oui, c'est un club qui a une grosse activité par rapport à d'autres régions. Hein, ça dépend de la volonté de développement qu'on a, la volonté de déployer plus ou moins de formations. Et en Grand Est, il y a une offre importante. Et vous disiez qu'on avait donc fusionné hein, et au CNAM Champagne-Ardenne, donc à Reims, il y a une très grosse activité de création de modules à distance. Et donc, on propose ces modules qui sont réalisés par nos élèves sur Internet, hein, depuis chez eux, depuis leur travail. En tout cas, ils ne se déplacent pas en centre de formation. Et ces modules-là, ils sont déployés dans toute la France, depuis le Grand Est. D'accord. D'ailleurs, il me semble savoir également que le CNAM Grand Est a mis en place quelque chose de très important, donc ce que l'organisme appelle Handi-CNAM. Oui, alors Handi-CNAM, c'est une mission nationale. D'accord. Qui est donc déployée depuis Paris, dans toutes les régions. Effectivement, c'est tout simplement la charte pour accueillir toute personne du mieux possible pour que chacun soit bien intégré et se sente bien. Donc c'est tout simplement les normes d'accessibilité, le fait de nous prévenir hein, s'il y a un handicap quel qu'il soit pour qu'on puisse adapter l'accès, les cours, les examens, etc. Donc on a un référent dans chaque centre, dans chaque région pour accueillir tout le monde du mieux possible. Oui, donc d'ailleurs, on en a parlé un petit peu plus tôt dans cette émission concernant les personnes à mobilité réduite. Ça rentre vraiment dans ce cadre-là. Oui, bah là, je crois que voilà, il n'y a même plus de débat à avoir. Hein. On se doit tous, et notamment quand on a une mission de service public, d'accueillir tout le monde. Alors, effectivement, on peut avoir, en fonction des villes, des locaux plus ou moins anciens, pour lesquels ça peut être parfois un peu plus compliqué, mais dans tous les cas, il faut que tout le monde puisse accéder à nos services. Et à Épinal, voilà, il n'y aura absolument aucun souci, puisque ça va être aux normes, aux dernières normes, donc l'accès sera facilité pour tous. D'accord. Donc il est 14h47, je propose de faire une petite parenthèse et de parler de ce qui se passe localement, car c'est important de soutenir tout ça. Vu qu'on parle de stage également, je ne sais pas trop si ça rentre dans le CNAM, mais une stage de pratique théâtrale, je ne sais pas si vous en faites, non ? Ah non, on ne fait pas de théâtre. Ben voilà, je vais quand même en parler. Donc il y a un stage de pratique théâtrale très bientôt organisé dans la région, non seulement à destination des enfants à partir de 7 ans révolus. Donc l'objectif de ce stage est d'amener les enfants à l'élaboration d'un spectacle, de la naissance d'une idée à la représentation. Nous créerons ensemble une histoire à partir de leur imagination, animée et nourrie par l'improvisation, à la suite de différents jeux ludiques qui nous feront découvrir cette discipline. Ils échafauderont ensemble un scénario et une mise en scène de la fable inventée par le groupe. Suivant le nombre de participants, ils aborderont également la notion de chœur au théâtre. Le chœur est un ensemble de personnes plus ou moins grands qui, à travers le chant et la danse, commentent l'action d'une pièce. Ils aborderont également ce concept à partir de plusieurs exercices de groupe afin de créer une synergie entre les participants. Si la troupe le souhaite, ils pourront envisager une présentation du travail artistique à la fin de ces 6 jours d'atelier. Donc pour les quelques informations pratiques, ça se passe les 18, 19, 20, 23, 24 et 25 août 2021, de 10h à 16h, et c'est payant 150€. Ensuite, il y a également des stages de théâtre à destination des adultes à partir de 15 ans révolus. Il vous sera proposé pendant ce stage de nombreux exercices techniques pour aborder la lecture à voix haute. Donc pour affronter sa confiance en soi, c'est vraiment une bonne chose, et pour affronter son stress. Donc à partir d'un corpus de textes choisis, ils aborderont le travail de souffle, du placement de la voix et du corps afin de mettre en place une lecture fluide devant une assemblée. Ils se poseront également différentes questions autour de la mise en espace d'un texte. Lire dans un environnement donné va-t-il avoir un impact sur le sens du texte ? Lire en chœur influe-t-il la résonance d'un texte, etc. Suivant la volonté du groupe, une restitution publique des différentes lectures mises en voix sera organisée à l'issue de cet atelier de 2 jours. Et ça se passe les 21 et 22 août 2021, de 10h à 17h, et ça coûte 80€. Voilà, c'était la petite parenthèse pour soutenir ce qui se passe localement. Donc on va pouvoir conclure déjà cette émission, parce qu'il va être 14h50, c'est vraiment passé à toute vitesse. Donc, nous arrivons déjà, comme je le disais, bientôt à la fin de cette émission. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs aimeraient rejoindre le CNAM Grand Est, comment peuvent-elles et comment peuvent-ils faire ? Alors, il faut qu'ils se rendent sur notre site internet. Donc, vous allez mettre, hein, donc je vais donner quand même, cnam-grandest.fr, puisqu'on vient d'installer un tout nouveau système de prise de rendez-vous. Hein, avec voilà, la crise sanitaire, c'est un peu compliqué de faire des rendez-vous en présentiel. Donc on a mis en place, c'est un peu un système de Doctolib de la formation, et en fonction de la formation ou de leur projet, sur chaque page du site, hein, en fonction de... Voilà, s'ils ont déjà identifié une formation, de prendre directement un rendez-vous pour parler de cette formation. S'ils veulent parler de financement, dans la rubrique financement, ils peuvent prendre un rendez-vous. Et comme ça, ils choisissent le conseiller et choisissent le jour et l'heure. Et puis, ils peuvent faire déjà un premier entretien téléphonique ou en visio pour parler de leur projet. D'accord. Oui, donc c'est assez simple à faire. Donc, du coup, vu que maintenant, presque tout le monde a accès à Internet, donc c'est vraiment très accessible. De toute façon, comme je l'ai dit un peu plus tôt et comme vous l'avez rappelé, je mettrai tous les liens en podcast avec cette émission dans la journée de demain, certainement. Donc, où pouvons-nous vous retrouver, donc à part à Épinal, bien sûr. Pardon ? Où pouvons-nous vous retrouver, à part à Épinal ? Vous voulez dire dans le Grand Est ? Oui, voilà, le CNAM Grand Est, est-ce que vous avez un site internet, oui, mais ou peut-être des pages sur les réseaux sociaux, des choses comme ça ? Ah, pardon, excusez-moi, je vous suivais pas. Oui, oui, bien sûr, on a une page Facebook, LinkedIn, Twitter, on répond quand il y a des questions. Alors, en général, on renvoie les gens vers la prise de rendez-vous, vers les conseillers, hein, puisque c'est plutôt les équipes de la communication qui gèrent les pages. Et on n'est pas des conseillers pédagogiques, mais on peut répondre aux premières questions ou aux interrogations. Il ne faut pas hésiter à suivre ces pages parce qu'on organise aussi régulièrement des réunions d'information, qu'elles soient en physique ou à distance, des portes ouvertes. Voilà, on fait pas mal d'événements. Donc, en suivant ces pages, vous serez tenu informé. Et dès qu'on pourra faire des choses un petit peu plus en présentiel à Épinal, on organisera des réunions d'information sur site dans les locaux du CNAM à Épinal. D'accord. Et donc, avant d'avoir vos nouveaux locaux, on peut peut-être rappeler l'adresse du local provisoire pour l'instant ? Oui, c'est 7 quartier de Magdelaine à Épinal. Donc, des locaux très sympas. Et il y a aussi une adresse mail pour joindre directement mes collègues d'Épinal. C'est epinal@cnam-grandest.fr. D'accord. Donc, pareil, je mettrai ça en lien avec... en podcast de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Bah, je crois qu'on peut souhaiter à tout le monde de pouvoir réaliser nos activités de manière un peu plus libre, de manière un petit peu plus aisée, et puis surtout que cette installation à Épinal rencontre le succès, qu'on réponde aux besoins des habitants du territoire et qu'ils viennent développer leurs compétences chez nous. Très bien. Et est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter ? Non, bah, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. J'ai passé un bon moment, c'était sympa. Bah, pareillement. Donc, du coup, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Cécile du CNAM, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi à 18h, avec le podcast de cette émission, comme je l'ai dit, posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Si vous voulez, je pourrais même envoyer l'émission par mail pour que vous la récupériez si ça vous tente. On partage ça. Voilà. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40 avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais Delphine du trio de musique The Red Folks, qui était là pour nous parler de son groupe et du premier album de The Red Folks, sorti le 13 novembre 2020. Quant à nous, nous nous retrouvons samedi pour un nouveau numéro de À la rencontre d'auteurs, une autre émission que je vous propose sur Radio Guémozo à 13h30, avec comme invité une autre Delphine qui sera au téléphone pour nous parler de son ouvrage Mystère Strasbourgeois. Et on se retrouve également la semaine prochaine, non pas lundi car je serai absent, mais mardi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone un nouvel artiste envoyé par le bureau de Lilith, Baru. Mais vous aurez quand même droit à votre chronique La Crissoire des auteurs à 8h et 13h30 lundi matin, enregistrée au préalable, dans laquelle nous continuerons notre voyage dans la vie et dans l'œuvre de J.K. Rowling, la créatrice des personnages de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Là, ça fait un programme bien chargé, mais au moins c'est dit. Donc en attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Ibrahim Malouf et son titre Doubts. Merci de votre fidélité. à Radio Guémozo. Et je vous dis à samedi pour À la rencontre d'auteurs. Donc salut et du coup à samedi.